Section 24 de la lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 6e. Section 24. Les amours de Gilles. Livre 1er. Colombine par Louis Morin. Chapitre 7. Amour et diplomatie. Les comédiens causaient, réunis dans l'arrière-scène qu'éclairait un vague rayon de jour, tombant d'une fenêtre pratiquée dans les combles. Une grande discussion venait d'avoir lieu entre maître Cornelio et mademoiselle Séraphine. Le directeur avait reproché à sa pensionnaire, non sans quelque apparence de raison, de déranger toutes les affaires de la société avec ses amours. Il ne savait point au juste de quoi il s'agissait, et Séraphine s'était bien gardée de le lui dire. Mais le prince avait déclaré en termes fort vifs qu'il ne voulait plus de la soubrette sur son théâtre. La sommation du gouverneur d'avoir à changer l'affiche était venue mettre le comble à la mauvaise humeur de Pantalon. Comment une pièce si bien faite et qui s'annonçait comme un si beau succès? Séraphine avait eu à supporter tout le poids de la colère directoriale. Elle avait d'abord répondu vertement, en femme qui n'est point habituée à se laisser maltraiter. Puis, devant l'attitude hostile de ses camarades, qui croyaient devoir soutenir le directeur, et après un dialogue des plus animés, elle avait été prise d'une crise de nerfs qui s'était terminée par un déluge de larmes. Rien n'avait été décidé. Et pour le moment, Séraphine rageait dans sa loge, pendant que son directeur, très indécis de sa nature, en était à se demander s'il n'eût pas mieux valu arranger les choses en douceur, réconcilier Colombine avec le prince et garder sa jolie pièce et sa bonne comédienne pour quelque autre ville où le gouvernement serait moins susceptible. Pantalon, à la ville comme au théâtre, avait tout brouillé. Et il prenait conseil de ses camarades un peu penauds, lorsqu'une grande rumeur se fit entendre au dehors. Arlequin et Tartaglia se précipitèrent aux nouvelles. Tartaglia rentra presque aussitôt, tout tremblant. L'université marchait contre le théâtre. On allait être exterminé. Les auteurs se regardèrent, effarés, ahuris par cette succession de mauvaises nouvelles. Les malheurs tombaient comme la grêle. Décidément, le capitaine, moins poltron que sur la scène, alla décrocher sa grande rapière. Tartaglia disparut dans un coffre qui se trouvait là. Le docteur prononça quelques mots latins qui étaient un encouragement à souffrir patiemment les épreuves de l'adversité. Pulcinelle fit tournoyer son gourdin. Les autres restèrent immobiles, l'oreille tendue au bruit qui grandissait toujours. Enfin, quelqu'un entra. C'était Arlequin, qui conduisait avec force, marque de respect, un jeune homme dont l'air n'était nullement belliqueux. « Patron, dit Arlequin avec un grand salut, le seigneur que voici est député auprès de vous par messieurs les écoliers de l'université pour conclure le traité d'alliance qu'il va vous exposer. » Pantalon se drapa dignement dans son grand manteau, s'avança de quelques pas et dit gravement « Bonjour, monsieur le député, je vous écoute humblement. » Alors Pietro rendit compte de sa mission. Les étudiants avaient appris avec déplaisir que la troupe de comédie était inquiétée par le gouvernement de la ville. Ils priaient le directeur de ne point prendre garde aux ordres du podestat, lui garantissant leur appui et protection. Au besoin, pour le rendre plus libre et ne pas le compromettre, il le contraindrait, les armes à la main, de reprendre le soir même la comédie si remarquable qui avait été jouée la veille au soir, exigeant que tous les acteurs reparussent en scène. À dessein, Pietro n'avait pas parlé de Séraphine. Il attendait la réponse du directeur. Celui-ci, très flatté dans son amour propre d'auteur du tapage que causait sa comédie, si remarquable, protesta que la compagnie était aux ordres de messieurs les étudiants surtout s'il voulait bien simuler une contrainte par la force, afin de dégager sa responsabilité. Mais il objecta qu'il y avait une autre difficulté. Un dissentiment s'était élevé entre la soubrette, personnage principal de la pièce, et le prince propriétaire du théâtre. On pourrait, au besoin, passer outre à la défense du prince de laisser jouer Mademoiselle Séraphine, toujours grâce à la contrainte. Mais Mademoiselle Séraphine voudrait-elle jouer ? Cornelio ne raconta pas la scène qui avait eu lieu. Il parla seulement de l'impressionnabilité des nerfs de la comédienne, de son orgueil, et il finit par conseiller à monsieur le député de faire une démarche personnelle auprès de Colombine. Pantalon était ravi de la tournure que prenaient les choses. Il allait jouer malgré le podestat, sans crainte de représailles, car pourrait-on lui reprocher d'avoir cédé à une force imposante ? L'affaire ferait du bruit dans toute l'Italie. Quelle réclame pour la troupe ! De plus, il conservait sa comédienne sans être obligé de lui faire des excuses. L'étudiant allait tout arranger. Quant à Pietro, il n'avait point osé espérer une si rapide réalisation de ses vœux. Il avait envie de s'en aller, de s'enfuir, maintenant qu'il était si près de voir Séraphine. La vieille Léonarde se trouvait là, dans un coin, ayant quitté sa maîtresse pour venir voir, elle aussi, ce qui se passait. Cornelio l'envoya prévenir Séraphine, et sa noire silhouette disparut aussitôt dans les escaliers. Elle était heureuse de pouvoir donner quelques conseils à la signora, ayant jugé, aussi bien que maître Cornelio, que la situation était grosse de profitables conséquences. Que monsieur l'étudiant daigne venir voir la signora dans sa loge. La pauvre demoiselle est si brisée par les émotions qu'elle ne peut descendre en ce moment. Et Pietro suivit la vieille dans les petits escaliers noirs où brûlaient de rares quinquets. La loge aussi était faiblement éclairée. Des mousselines tamisaient la lumière de la fenêtre. Dans la pénombre, couchée sur un sofa, gisait galamment Séraphine. Et elle avait l'attitude du monde la plus dolente et la plus alanguie. Sa robe était un peu relevée, son corsage un peu dégrafé. Elle ramena d'une main faible les dentelles qui cachaient sa gorge, et poussa un soupir si désolé qu'il eût attendri le moins sensible des étudiants en théologie. La situation était difficile pour un débutant, aussi ému que l'était Pietro. Il se réfugia dans son rôle officiel, mais il paraît que la signora connaissait déjà les vœux de messieurs les étudiants, car elle ne prêta pas grande attention au message. « Oui, je jouerai, dit-elle. J'en aurai la force. Dites à messieurs les étudiants que je veux leur obéir. » Elle n'avait point paru reconnaître Pietro. Lui, tout embarrassé, se baissait déjà pour lui baiser la main et prendre congé. Quand elle se souleva sur son séant, « Comment, Pietro, c'est toi ? Ah, je t'attendais. Je savais bien que tu viendrais. » Elle le serrait dans ses bras et lui tendait ses lèvres. Mais tout à coup, elle défaillit et ses yeux se fermèrent. Pietro se retourna pour demander du secours à Léonarde. La vieille avait disparu. En redescendant les escaliers pour rendre compte à ses camarades du succès de sa mission, d'une partie de son succès, l'étudiant Pietro se parlait à lui-même sur un mode lyrique. Il disait « Lorsque même je vivrai 100 ans, chère Séraphine, jamais je n'oublierai cette heure bénie. Maintenant je t'ai donné mon âme, il n'y a plus au monde que toi et moi. Oh, comme je sacrifierais volontiers ma vie pour toi. Il me suffirait pour braver 1000 morts avec délice, de me rappeler la douceur d'un de tes baisers. Oh, j'ai serré la joie elle-même entre mes bras. » Et dans sa loge, pendant que l'étudiant s'en allait, Séraphine disait à Léonarde, « Oui, ma bonne, ce petit m'a amusée avec son amour naïf et j'ai été plus loin que je ne le voulais d'abord. Mais cela ne fait rien. Ce n'est point un roué. Il n'en est que plus dévoué à me servir. Je compte bien qu'il va pousser ses amis à faire un gros tapage. Et si nous sommes chassés d'ici, ce qui pourrait bien arriver, tu verras comme nous serons accueillis ailleurs. En tout cas, J'aurais suivi ton conseil. Je n'irai point demander au prince son pardon. Je pense que c'est lui qui reviendra tendre le col à ma chaîne. Ou si je dois partir, du moins, ce ne sera pas toute seule, chassée honteusement. Je partirai avec toute la troupe. Ah, qu'il est gentil ce petit Pietro. Ajuste-moi. Je vais faire ma paix avec Cornelio. Fin de la section 7, lue par Margot.